le train de nuit, y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, y a des royaumes, et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. Spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.